Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la conférence de Munich de septembre 1938. J'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. Le chef du gouvernement français, Édouard Daladier, qui annonce le 28 septembre 1938 qu'il participera à la conférence de Munich, cette conférence où les dirigeants de quatre grandes puissances européennes décideront de l'avenir de la petite Tchécoslovaquie et de la région des Sudètes en particulier. La conférence de Munich sera qualifiée par Hitler de conférence de la dernière chance, celle qui permettra de soi-disant éviter la guerre. Mais cette conférence passera surtout à l'histoire comme celle de la compromission des Alliés devant la menace que représente le Führer. Émouvante minute que celle vécue par la foule écoutant les hymnes nationaux des deux pays. Et vers le premier ministre français monte alors une chaleureuse ovation. Un peu plus tard, c'est l'arrivée de M. Chamberlain. Et l'on acclame celui qui, avec une inlassable volonté, vient d'être l'un des plus grands artisans de la paix. Celui qui a su parler au chancelier allemand sur le ton d'un homme libre, dépourvu de haine, mais de crainte aussi. Sans perdre une minute, sans s'arrêter aux détails du protocole, les quatre chefs de gouvernement vont commencer leur conversation. Les drapeaux des quatre nations flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leurs mains les destinées du monde. Extrait d'un film d'actualité de la société Gaumont, produit à l'occasion de la conférence de Munich à la fin de septembre 1938. La conférence de Munich est un événement majeur dans l'histoire de l'entre-deux-guerres. Je reçois pour nous en parler l'historien Carl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. Une conférence, donc, la conférence de Munich, qui est importante historiquement, mais qui aussi est très chargé symboliquement. Carl Bouchard, pourquoi? Ben, c'est un peu un ressort mémoriel, en fait. L'événement est marquant lui-même, effectivement, mais par la suite, il a constamment été réactivé. C'est l'esprit de Munich. On a réactivé cet esprit de Munich dans des moments de crise, et particulièrement aux États-Unis, que ce soit le président Roosevelt, ensuite Truman, le président Kennedy, qui en a fait un objet d'étude lors de ses études universitaires. Et de la conférence de Munich. La conférence elle-même. Il a publié son premier livre sur la conférence de Munich. Et donc, on a constamment réactivé cet épisode parce que c'est le symbole de l'aplatissement des démocraties face aux autocraties, face aux dictatures. S'aplatir à tout prix pour vouloir éviter le pire, la guerre, c'est ça que deviendra le syndrome Munich, finalement. La conférence de Munich. Exactement. Et le terme est devenu un terme presque, comment dire, officiel, le syndrome de Munich. Et puis, quand on veut discréditer une politique étrangère, quand on veut rejeter un accord, on va parler du syndrome de Munich. On va dire, ah voilà, on a une attitude munichoise. Et dès qu'on utilise ce mot, bien, on active un ressort, on active la mémoire. Parlons un peu du contexte général d'abord qui va conduire à cette conférence de Munich. Comment démarre cette dynamique de la compromission des pays alliés face à la montée d'Hitler? Oui. On a, évidemment, on connaît tous l'arrivée d'Hitler en 1933. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'Hitler, à partir de 1933, a voulu, d'une part, travailler à l'intérieur, modifier le pays à l'intérieur, métropole à ses idées allemandes. Et puis, au niveau international, il avait un objectif, c'était d'assurer, évidemment, la puissance allemande et surtout revenir sur le fameux traité de Versailles de 1919 qui a réduit la puissance allemande à la fin de la Première Guerre mondiale. Et Hitler, à partir de 1933, 34, 35 surtout, va commencer à faire ce qu'on appelle des coups de force. Ouais. Donc, des gestes qui remettent en cause le traité. Et pourquoi en fait-il et pourquoi continue-t-il à en faire? C'est que les démocraties occidentales, qui sont normalement les garantes du traité de Versailles, ne réagissent pas. Mm-hmm. Au-delà des protestations verbales, des indignations, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. C'est des gestes concrets qui sont en directe contravention avec le traité de Versailles. Exactement. Ça peut être, par exemple, le réarmement de l'Allemagne, qui était interdit par le traité de Versailles. Ce sera la remilitarisation de la Rhénanie, qui est une région frontalière entre l'Allemagne et l'Europe de l'Ouest. Sud-Est, donc la France, Belgique, Luxembourg. Alors, cette région devait être démilitarisée pendant 50 ans. Et bien, en 1936, Hitler décide de la remilitariser. Mm-hmm. Que se passe-t-il? Ben, rien. Ouais. Protestations, réunions, rapports, des comités, mais jamais d'action. Et comment expliquer ce laxisme des grandes puissances, des grandes démocraties européennes devant ces coups de force successifs d'Hitler? Ouais. Ben, il y a plusieurs raisons et on a une bibliothèque entière d'ouvrages sur le sujet. Alors, ce qu'on sait, c'est que les démocraties sont aussi dans un contexte de détente ou de désarmement des esprits. L'objectif, c'est justement oublier la Première Guerre mondiale, surtout ne pas recommencer la Première Guerre mondiale. Donc, il y a vraiment cette peur. Qui a été très, très dure, qui a laissé un vrai traumatisme. C'est 10 millions de morts quand même. C'est des pays à reconstruire. Donc, il y a un traumatisme de la guerre qu'on ne veut pas revivre. Il y a aussi cette volonté de revenir à la normale. Et cette volonté de revenir à la normale, c'est par exemple la Grande-Bretagne qui considère dans les années 30 qu'il serait peut-être temps qu'on revienne sur le traité de Versailles au nom de la réconciliation, au nom de la normalisation des rapports internationaux. Eh bien, ça veut dire par exemple si l'Allemagne demande quelque chose qui est en contradiction au traité de Versailles, ben, elle a peut-être raison. C'est peut-être le temps maintenant de lui donner une voix au chapitre au niveau international. Il y a, ça c'est le contexte général, il y a de manière plus particulière un point précis qui va être le point de départ à cette séquence menant la conférence de Munich, c'est cette volonté d'Hitler d'annexer les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie où il y a une bonne proportion d'Allemands. Comment Hitler justifie cette volonté d'annexer les Sudètes à l'Allemagne? Ouais. Il la justifie dans une politique. En fait, là, c'est tout le génie politique d'Hitler, c'est d'utiliser le discours notamment des démocraties et des vainqueurs de la Première Guerre mondiale à son avantage. Alors, par exemple, en 1918-1919, on parlait beaucoup de l'autodétermination des peuples et du principe des nationalités. Il fallait que les nations se regroupent en un État. Alors, ce que nous dit Hitler, c'est, moi, je veux regrouper en un État allemand l'ensemble des populations germanophones ou de tradition germanique. Ça va passer, par exemple, en 1938, par l'annexion de l'Autriche, la fameuse Anschluss, donc l'unification de l'Allemagne et de l'Autriche, qui, encore une fois, était interdit par le traité de Versailles, mais qu'on a laissé faire. Ouais. Alors, la région des Sudètes, c'est la même chose. C'est une petite région de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, c'est un État qui est né de la Première Guerre mondiale, donc un État qui est issu de la désintégration de l'Empire austro-hongrois, composé donc de deux grandes nations, les Tchèques et les Slovaques, et puis aussi, dans sa zone occidentale, une population germanophone qui va jusqu'à 25% en fait. Et dans certaines régions, plus de la moitié de la population est germanophone. Ce sont les Sudètes, ceux qu'on appelle les Sudètes. Et donc, c'est cette région qu'Hitler convoite en disant « il y a là des germanophones ». Selon le principe des nationalités, de l'autodétermination, on devrait les regrouper dans la population allemande. Et pour arriver à ces fins, Hitler va pour obtenir donc ce qu'il souhaite au fond, dans un premier temps, il y parviendra, c'est l'annexion négociée des Sudètes, mais la façon d'obtenir cette annexion négociée, c'est de gonfler les muscles. Il va brandir, mais souvent, cette menace d'une invasion armée de la Tchécoslovaquie pour faire peur un petit peu aux grandes démocraties occidentales. Il le fait encore. Écoutez extrait qui suit, le 26 septembre. Ça commence avant, mais encore, le 26 septembre 1938, on est à quelques jours seulement de la conférence de Munich. Hitler y va d'une grande envolée. J'ai fait une offre au président de la Tchécoslovaquie, une offre qui correspond à ses propres engagements. Ou bien il accepte et donne enfin leur liberté aux Allemands des Sudètes, ou bien nous leur donnerons nous-mêmes cette liberté. J'appelle le peuple allemand à se tenir derrière moi, homme par homme et femme par femme. La stratégie d'Hitler, Karl Bouchard, c'est ça, c'est de hausser le ton, c'est de menacer la Tchécoslovaquie d'une intervention militaire, et ça va fonctionner. Ça fonctionne, en fait, c'est ça le plus impressionnant. En fait, c'est un échiquier, c'est un jeu extrêmement complexe. Ce que fait Hitler, c'est à partir de l'Anschluss, en fait, à partir de 1938, du printemps 1938, commencer à dire que là, il faut qu'on règle cette question. Ouais. Alors, on commence à dire qu'il faut régler cette question. On fait semblant de négocier avec Edvard Beneš, qui est le premier ministre de la Tchécoslovaquie, le président du Conseil de Tchécoslovaquie, mais ce sont des négociations, dans le fond, déséquilibré parce que Hitler est plus puissant, l'Allemagne est beaucoup plus puissante. Et chaque fois, ben, on va un peu plus loin. Alors, au départ, Benesch nous dit, ben, oui, on peut accorder une certaine autonomie aux Sudètes, mais dès qu'on accorde quelque chose, eh ben, Hitler va plus loin. Oui, autonomie, mais non, ça ne s'arrête pas aux autonomies. Il va falloir qu'ils aient l'indépendance. Et puis, par la suite, ben, on va les récupérer. Et puis, il va monter aussi de toutes pièces des épisodes de persécution des Allemands en Tchécoslovaquie, donc pour faire monter encore une fois la pression. Alors, c'est en augmentant constamment les demandes qu'il va réussir peu à peu à prendre possession de cet espace. Ouais. Et puis en Europe, évidemment, à Londres, à Paris, entre autres, on regarde ça avec beaucoup d'inquiétude parce qu'on est déjà dans des jeux d'alliance et pour éviter que le conflit... Si l'Allemagne intervient en Tchécoslovaquie, en principe, la France doit défendre la Tchécoslovaquie. C'est là tout l'enjeu, en fait. C'est que la Tchécoslovaquie, elle est une pièce d'un réseau d'alliances important. Tout le monde le sait, donc Hitler le sait. L'objectif d'Hitler, c'est de prendre la Tchécoslovaquie, si possible, pacifiquement. Ouais. Et si jamais il doit faire la guerre, eh bien que le conflit reste localisé. Alors évidemment, les alliés de la Tchécoslovaquie, la France en particulier, qui est en alliance avec la Tchécoslovaquie depuis quelques années, qui veut utiliser justement une partie de l'Europe centrale comme une alliance de revers et donc faire peur à l'Allemagne en disant si jamais une guerre éclate, vous allez vous battre d'un côté contre des États au sud, d'un autre côté contre la France à l'ouest. Donc raviver un peu le spectre d'une guerre sur deux fronts, qui était le spectre de 1914. Alors pour les Français, l'objectif, c'est de dire, ben, écoutez, si vous attaquez la Tchécoslovaquie, nous, il va falloir qu'on agisse. Les Britanniques disent la même chose. Les Britanniques ne veulent pas reprendre aussi ou refaire l'hésitation de 1914 où ils ont, depuis pendant des mois, laissé entendre ou hésité de ne pas donner leur position officielle. Et on a accusé par la suite l'Angleterre d'avoir notamment causé la marche vers la guerre en n'ayant pas une position affirmée. Donc là, les Britanniques disent, ben nous, effectivement, si vous attaquez la Tchécoslovaquie, il va falloir qu'on agisse. Nous serons solidaires. En même temps, tout ce beau monde ne veut pas d'une guerre pour la petite Tchécoslovaquie et cette encore plus petite région des Sudètes. Donc, ça va mener à des efforts diplomatiques. On y revient à cette dynamique de la compromission. L'une des grandes figures de cette dynamique de la compromission sera le premier ministre britannique Neville Chamberlain. Il va vraiment jouer un rôle déterminant dans ce qui mènera à l'organisation de la conférence de Munich. Il rencontre Chamberlain deux fois Hitler avant la conférence de Munich. On l'écoute parler de la nécessité justement de trouver un compromis qui va permettre d'éviter la guerre, discours qu'il prononce en juillet 1938. Ce qui reste à faire est peut-être plus difficile encore que ce qui a déjà été fait. Mais je pense que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Encouragé par l'approbation de mes amis français et en étroite collaboration avec eux, ai-je l'intention de continuer dans notre tâche commune. Elle est belle, elle est noble, et elle mérite sûrement tous les efforts que nous serons appelés à y consentir. Un extrait qui nous en dit beaucoup, Karl Bouchard, sur l'état d'esprit à Londres, à Paris. Éviter la guerre à tout prix. Oui, les Français ont, a dit Léo Blum, une haine religieuse de la guerre, donc on veut surtout l'éviter. On est en train de construire, de compléter la ligne Maginot du côté français, donc une formidable ligne de fortification qui, a posteriori, apparaît comme justement le plus beau signe de la volonté de la France de rester sur son territoire, donc de ne pas aller aider la Tchécoslovaquie si la guerre éclate. Ouais. Du côté des Britanniques, on est terrorisé à l'idée que l'Allemagne bombarde Londres et bombarde l'Angleterre avec leurs bombardiers. Personne ne veut faire la guerre, mais on utilise le spectre de la guerre pour dissuader Hitler d'agir. Il va jouer un rôle important. Quel rôle jouera-t-il, Chamberlain, dans ce qui mènera à la conférence de Munich? Ouais, ben son rôle, c'est un rôle effectivement majeur parce que c'est l'homme qui lance la mode des sommets politiques. Chamberlain dit il faut, à partir de ce moment-là, aller plus loin que les grandes rencontres internationales. Je vais aller moi-même parler à Hitler et je vais le convaincre d'arriver à la raison. En partant du principe, c'est ce qu'a dit David Reynolds dans un très beau livre justement sur les sommets, sommets, sur l'histoire des sommets, Chamberlain était convaincu qu'on pouvait faire entendre raison à Hitler, que c'était un homme raisonnable, mais que, dans une certaine mesure, il avait raison concernant les Sudètes, ce peuple germanophone qui n'était pas dans le bon pays. Donc, il fallait quand même discuter avec lui de cette question. Et au final, il y aura une conférence, mais ça s'organise vraiment dans les tout derniers moments. L'armée tchèque est mobilisée, on est presque en guerre. Comment ça va jouer au final pour qu'on organise la conférence de Munich? En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois, donc vous l'avez dit, Chamberlain rencontre Hitler deux fois, mais chaque fois qu'il rencontre Hitler, il lui donne tout de suite ce que Hitler veut. Donc tout de suite, dès la première rencontre, il est clair que les Sudètes vont passer à l'Allemagne. Mais évidemment, ensuite, Hitler, comme d'habitude, fait la surenchère. Alors, à la prochaine rencontre ou après la rencontre, il dit, ben là, oui, mais ça, il faut que ce soit plus rapide. Et si on n'a pas décidé le transfert au 1er octobre 1938, on entre en Tchécoslovaquie, ce sera la guerre. Alors, chaque fois, on est dans ce contexte-là, mais pendant ce temps-là, eh bien, les chancelleries s'activent, les populations commencent à s'inquiéter, et puis surtout, la Tchécoslovaquie, elle mobilise son armée. On est dans le contexte de cette fameuse, ce terrible engrenage qu'on a connu en 1914. Donc, le spectre de la Première Guerre mondiale commence à devenir véritable. La conférence, donc, a lieu. Mussolini intervient. Hitler lui laisse entendre qu'il est prêt pour qu'on essaie une dernière fois. Mussolini intervient, organise tout ça. Bang! Conférence de Munich, les quatre chefs d'État sont réunis. Ironiquement, quatre chefs d'État, pas de Tchécoslovaquie dans les parages. Pas de Tchécoslovaquie. On est tout à fait dans le 19e siècle. Ce sont les grandes puissances qui déterminent le jeu international. On n'évite pas non plus l'Union soviétique, par exemple, qui est une grande puissance importante, évidemment, en Europe. La conférence, elle se détermine en toute vitesse parce que, quelques jours avant la date limite, Hitler décide de lancer justement cette conférence, la dernière chance qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, le moment est incroyable. Chamberlain est en train de parler à la Chambre des communes des résultats des rencontres. Il reçoit un papier pendant son discours qui dit qu'Hitler est prêt à le rencontrer. Alors, tout de suite, il en parle dans son discours. La Chambre des communes explose de joie. Donc, il y a quelque chose là d'extrêmement tendu. On est aux dernières minutes avant peut-être le déclenchement d'une guerre. Il y a conférence, il y a entente, accord dans la nuit du 29 au 30 septembre. En un mot, que prévoit cet accord de Munich? c'est un accord terrible, en fait. Dans les derniers jours, ce qu'on fait, tout simplement, c'est d'officialiser la perte de la région des Sudètes. On donne les Sudètes à l'Allemagne. Évidemment, l'accord, c'est des points de détail. Donc, les régions qui sont transférées, on précise les régions, on précise les montants des compensations financières, on précise le calendrier du transfert. Mais à toute fin pratique, fin septembre, on a donné cette région à l'Allemagne. Mais il faut garder en tête que pour les Français et les Britanniques, c'est une victoire. Ouais. C'est une victoire, Munich, parce qu'on a sauvé la paix. Et vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit, justement, que l'état d'esprit est à la célébration. On écoute le premier ministre français, Édouard Daladier, quelques semaines plus tard, en octobre 1938. Mais laissez-moi vous dire que lorsque j'ai entendu battre à Munich le cœur du peuple allemand, je n'ai pu m'empêcher de penser, comme je l'avais pensé à Verdun, en pleine guerre au réduit d'Avaucourt, qu'entre le peuple de France et le peuple d'Allemagne, en dépit de toutes les difficultés, il y a de puissantes raisons d'estime mutuelle qui devrait les conduire à une collaboration loyale. Doivent comprendre que dans l'époque moderne, alors que la science met à la disposition des hommes tant de biens et tant de ressources, la guerre n'est plus une solution. La guerre ne sera jamais plus une solution. La guerre n'est plus une solution. La guerre ne sera jamais plus une solution. Est-ce que cet optimisme d'Édouard Daladier, il est contagieux, Karl Bouchard? Il est contagieux. Une partie de la population est tout à fait d'accord. On voit les images, on connaît les images de l'arrivée de Daladier et l'arrivée de Chamberlain chez eux. Ils sont accueillis comme des héros. En même temps, il y a une opinion publique aussi où certains critiques sont extrêmement durs concernant l'accord. Et c'est là que se divise un peu l'opinion entre ce qu'on avait appelé les Munichois et les anti-Munichois. Est-ce qu'on fait cet accord ou est-ce qu'on dénonce cet accord? Et puis certains vont dire, écoutez, il faut s'arrêter. Hitler a dit que c'était les Sudètes, la dernière région qu'il allait convoiter. Est-ce qu'il faut l'écouter? Est-ce qu'il faut prendre prendre sa parole pour ce qu'elle est, ou bien est-ce qu'on doit, à un moment donné, annoncer que c'est le dernier geste et que cette fois-ci, il faut réagir. Donc, entre Munichois et anti-Munichois, la controverse est importante. On a parlé par la suite du lâche soulagement de Munich, parce qu'effectivement, quelques mois plus tard, au printemps 1939, l'Allemagne envahissait la Tchécoslovaquie au complet et, encore une fois, sans aucune réaction. Et en mars 1939, lorsqu'on a envahi la Tchécoslovaquie, les Britanniques et les Français ont dit quoi? Eh bien là, c'est la dernière fois que vous faites un geste de ce type-là. Donc, encore une fois, on n'a pas réagi et qu'a fait Hitler, quelques mois plus tard, envahir la Pologne. Et il y a donc, dans ces figures, les Munichois, les anti-Munichois, des gens qu'on connaît, Léon Blum, par exemple, sera du camp de ceux qui vont d'un grand soupir de soulagement. Et puis, les objecteurs de conscience qui vont jouer un rôle très, très important dans la suite des choses. Churchill, à Londres, De Gaulle, à Paris, qui sont pas dupes. Exactement. On connaît évidemment le bon mot de Churchill, qui n'est pas effectivement son bon mot, puisqu'il ne l'a jamais dit. Enfin, quelqu'un a dit qu'il l'aurait dit, qu'on avait le choix entre la honte et la guerre. On a choisi la honte et on aura la guerre. Donc, c'est resté dans les esprits et c'est un des leviers, justement, qu'on utilise constamment lorsqu'on rappelle Munich aujourd'hui. Vous parlez de la Tchécoslovaquie qui sera effectivement quelques mois plus tard envahie par l'Allemagne, mais même il y a une dislocation. Très vite, en fait, le résultat des accords de Munich, c'est la dislocation du pays. Absolument, parce que Hitler n'a aucune intention de respecter son entente. L'objectif, c'est de prendre ce territoire qui est quand même assez industrialisé. Les entreprises Skoda, par exemple, de voitures sont en Tchécoslovaquie. Il y a des ressources minières importantes. Pour lui, c'est extrêmement important de prendre possession de l'ensemble du territoire dans une éventuelle guerre. Donc, il a tout intérêt à le faire. Et on est vraiment dans les mois qui précèdent le conflit. Le réarmement allemand va bon train. On commence à préparer le conflit. Donc, pour lui, c'est extrêmement intéressant. On boucle la boucle, Karl Bouchard. On l'évoquait un petit peu, le syndrome de Munich au tout début de l'émission, mais qu'est-ce qui reste de ça sur le plan plus mémoriel? De quelle manière cette conférence de Munich plus largement, est symboliquement chargée, justement? C'est très chargé parce que, en fait, les hommes qui ont été au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60, 70, ont connu Munich. Beaucoup d'entre eux ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont connu Munich, ils ont connu la Deuxième. Pour eux, Munich, c'est à la fois une conséquence de la Première Guerre mondiale et c'est la prémisse de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment une abomination. C'est quelque chose qui, pour eux, leur rappelle un double traumatisme. Et donc, par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi de Munich comme un exemple à ne pas refaire. Alors, dans les rapports internationaux, on a dit, par exemple, dans le contexte de la guerre froide, on ne peut pas négocier avec un dictateur. C'est tout l'objet, par exemple, de la politique d'endiguement du président Truman américain. Négocier avec un dictateur, c'est quoi? C'est s'aplatir pour avoir un conflit quelques années plus tard ou pour devoir faire un nouveau compromis quelques années plus tard. Donc, la politique de l'endiguement, c'est ce qui a provoqué, entre autres, c'est un des arguments qu'on a utilisé pendant la guerre de Corée. Il faut agir parce que si on n'agit pas, les communistes vont prendre le pouvoir en Asie. C'est un argument qu'on a utilisé pendant la guerre du Vietnam. Comment on a fait en 1956 pour justifier l'intervention de Suez des Britanniques en Égypte et des Français et des Britanniques? C'est de dire que Nasser était un nouvel Hitler et qu'on n'allait pas refaire le coup de Munich. Donc, il y a des leçons qui vont être tirées. Constamment, va utiliser, qu'on va instrumentaliser, en fait, parce qu'on le sait bien, l'histoire ne se répète pas. On peut agir différemment, mais Munich devient un épouvantail, un truc qu'on sort pour rappeler. Il y a une fonction extrêmement importante, il y a une efficace extrêmement importante avec Munich. Dès qu'on parle de Munich, il y a tout de suite une réaction. Karl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire, merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.